Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 57. Comment les anges connaissent les choses matérielles? Connaissent-ils les choses matérielles, individuelles, futures, les pensées humaines, les mystères de la grâce? 1. Les anges connaissent-ils les choses matérielles? Une puissance supérieure peut sans doute ce que peut la puissance inférieure. Or, l'intelligence humaine connaît les choses matérielles, donc les esprits angéliques, qui nous sont supérieurs, les connaissent encore mieux. Mais comment les connaissent-ils? Les espèces intelligibles, qui découlent de Dieu, en qui tout préexiste suréminemment et d'une manière conforme à sa simplicité, font en quelque sorte préexister tous les êtres dans leur intelligence, ils connaissent donc, par ces espèces, les choses matérielles, comme Dieu les connaît par son essence, ou plutôt ils les connaissent par des espèces intelligibles qui sont gravées dans leur nature. De même que nous les connaissons nous-mêmes par des espèces rendues intelligibles au moyen de l'abstraction. 2. Les anges connaissent-ils les choses individuelles? Nul ne peut garder ce qu'il ne connaît pas. Or, selon le psalmiste, Dieu a commandé à ses anges de nous garder dans toutes nos voies. Psaume 91, 4. Les anges connaissent donc les choses individuelles. La foi catholique enseigne qu'ils administrent le monde d'ici-bas. Ils sont tous chargés d'un ministère, écrivait l'apôtre aux Hébreux. 1, 14. Or, s'ils n'avaient pas la connaissance des choses particulières, comment pourraient-ils régler et gouverner les affaires de la terre? De là ces paroles de l'Ecclésiaste. 5, 5, ne dites point devant votre ange, il n'y a pas de providence. Mais comment les anges connaissent-ils les individus? Dieu a produit dans leur esprit les espèces intelligibles de tout ce qu'il a créé. Or, de même qu'il est lui-même la cause et la similitude de toutes les choses par son essence et qu'il les connaît toutes par elles, les anges les connaissent par les espèces qu'il a imprimées en eux. Ces espèces sont comme des représentations multiples de la divine essence, qui est une et simple. 3. Les anges connaissent-ils les choses futures? Les événements futurs peuvent être connus de deux manières. Premièrement, dans leur cause, secondement, par eux-mêmes. Les événements futurs, disons-nous, peuvent être connus dans leur cause. Ceux qui en proviennent nécessairement sont prédits, à l'avance, de sciences certaines. Nous savons, par exemple, que le soleil se lèvera demain. Ceux qui en proviennent ordinairement, mais non pas toujours, on les connaît seulement par conjecture, comme le médecin prévoit la guérison de son malade. Les anges, qui ont, comme nous, ce dernier moyen de connaître l'avenir, nous surpassent en cela, parce qu'ils ont une connaissance plus claire et plus générale des causes. Plus un médecin est éclairé, plus il voit les causes, et mieux aussi il pronostique sûrement les phases diverses d'une maladie. Pour ce qui est des événements qui sortent rarement de leur cause, personne ne les connaît d'avance. Telles sont les choses fortuites et contingentes. En second lieu, les choses futures peuvent être connues en elles-mêmes, mais il n'y a que Dieu qui ait cette connaissance, lui seul les saisit immédiatement dans l'avenir, parce que lui seul voit tout dans son éternité, qui, par sa simplicité même, correspond à tous les temps et les enferme. D'un seul de ses regards il embrasse comme présent tout ce qui se fait dans les siècles, et voit les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, ni l'ange, ni l'homme n'ont ce pouvoir. 4. Les anges connaissent-ils les pensées des cours? De même que le médecin aperçoit dans le battement du pouls certaines affections morales, les anges connaissent nos pensées par les signes qui les révèlent, et avec une pénétration incomparablement supérieure à la nôtre, car ils savent saisir les modifications intimes que les corps subissent, pour découvrir ce qui est au fond des âmes. Mais il est réservé à Dieu seul de connaître les pensées en tant qu'elles sont dans l'intelligence, et les affections en tant qu'elles restent dans la volonté. Aussi saint Paul nous assure-t-il que personne ne sait ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui. 1 Corinthiens 2, 11. C'est pourquoi, les choses qui ne dépendent que de la volonté ou qui n'existent que dans l'intelligence ne sont connues que de Dieu. La raison n'est que la volonté de la créature raisonnable ne relève que du souverain être, qui seul peut agir immédiatement sur elle. Il en est de même de l'intelligence. Ses facultés ne sont soumises ni au corps, ni à l'imagination, ni à l'appétit sensitif, elles se servent de diverses manières, au contraire, de ses facultés subalternes. 5. Les mystères de la grâce sont-ils connus des anges ? Les anges ont une double connaissance, la connaissance naturelle et la connaissance surnaturelle. Ils ne connaissent pas par leur lumière naturelle les mystères de la grâce, qui dépendent seulement de la volonté de Dieu, car, ne pouvant pénétrer, comme nous l'avons vu, les pensées libres d'un autre être, ils peuvent encore moins découvrir les choses qui relèvent uniquement de la volonté divine. C'est là le raisonnement que fait saint Paul, qui des hommes sait, dit-il, ce qui est de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, qui est en lui. De même ce qui est de Dieu, nul ne le sait, que l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Mais les anges ont une autre connaissance qui les rend bien heureux, et par laquelle ils voient le Verbe et les choses dans le Verbe. Au moyen de celle-là, ils connaissent les mystères de la grâce, je ne dis pas tous les mystères, mais ceux qu'il a plu à Dieu de leur révéler, selon cette parole, Dieu nous a révélé ses mystères par son esprit. 1 Corinthiens 2, 10. Ce qui a lieu de telle façon que les anges supérieurs, qui contemplent avec plus de pénétration la divine sagesse, connaissent, par cela même, des mystères plus hauts et plus nombreux, qu'ils révèlent aux anges inférieurs, en les illuminant. Quelques mystères ont été connus d'eux dès le principe. D'autres leur ont été révélés plus tard, suivant le temps marqué pour l'exercice de leurs fonctions, car, serviteurs du Christ, ils sont envoyés, dit l'apôtre, en faveur de ceux qui doivent être héritiers du salut. Hébreux 1. C'est ainsi que le mystère de l'incarnation leur fut révélé d'une manière générale dès le commencement de leur béatitude, parce qu'ils forment comme le premier objet auquel se rapportent et d'où partent toutes leurs fonctions. Plus tard, ils apprirent d'en haut ce qui a été révélé au prophète touchant ce grand mystère. Ils en ont même connu certaines particularités que les prophètes ont pu ignorer, comme le dernier des prophètes a pu avoir des lumières que n'avaient pas les autres. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.